Chapitre 14. À la procession générale de la fête Dieu, sur la place de la sous-préfecture, lorsque Monseigneur Rousselot descendit les marches du magnifique reposoir dressé par les soins de Madame de Condamin, contre la porte même du petit hôtel qu'elle habitait, on remarqua avec surprise, dans l'assistance, que le prélat tournait brusquement le dos à l'abbé Faujas. « Tiens, » dit Madame Rougon qui se trouvait à la fenêtre de son salon, « il y a donc de la brouille ?»« Vous ne le saviez pas ?» répondit Madame Paloc, accoudée à côté de la vieille dame. « On en parle depuis hier. L'abbé Fenil est rentré en grâce. » Monsieur de Condamin, debout derrière ces dames, se mit à rire. Il s'était sauvé de chez lui en disant que ça puait l'église. « Ah bien, murmura-t-il, si vous vous arrêtez à ces histoires, l'évêque est une girouette qui tourne dès que le Faujas ou le Fenil souffle sur lui. Aujourd'hui, demain l'autre, ils se sont fâchés et remis plus de 10 fois. Vous verrez qu'avant 3 jours, ce sera le Faujas qui sera l'enfant gâté. » « Je ne crois pas, » reprit Madame Paloc. « Cette fois, c'est sérieux. Il paraît que l'abbé Faujas attire de gros désagréments à Monseigneur. Il aurait fait anciennement des sermons qui ont beaucoup déplu à Rome. Je ne puis pas vous expliquer ça tout au long, moi. Enfin, je sais que Monseigneur a reçu de Rome des lettres de reproche dans lesquelles on lui dit de se tenir sur ses gardes. On prétend que l'abbé Faujas est un agent politique. Qui prétend cela ? Demanda Madame Rougon en clignant les yeux comme pour suivre la procession qui s'allongeait dans la rue de la Banne. Je l'ai entendu dire, je ne sais plus, dit la femme du juge d'un air indifférent. Et elle se retira, assurant qu'on devait mieux voir de la fenêtre d'à côté. Monsieur de Condamin prit sa place auprès de Madame Rougon, à laquelle il dit à l'oreille « Je l'ai vue entrer déjà 2 fois chez l'abbé Fenil. Elle complote certainement quelque chose avec lui. L'abbé Faujas a dû marcher sur cette vipère et elle cherche à le mordre. Si elle n'était pas si laide, je lui rendrais le service de l'avertir que jamais son mari ne sera président. « Pourquoi ? Je ne comprends pas, » murmura la vieille dame d'un air naïf. Monsieur de Condamin la regarda curieusement, puis il se mit à rire. Les 2 derniers gendarmes de la procession venaient de disparaître au coin du cours Sauvert. Alors, les quelques personnes que Madame Rougon avait invitées à venir voir bénir le reposoir rentrèrent dans le salon, causant un instant de la bonne grâce de Monseigneur, des bannières neuves des congrégations, et surtout des jeunes filles de l'œuvre de la Vierge, dont le passage venait d'être remarqué. Les dames ne tarissaient pas, et le nom de l'abbé Faujas était prononcé à chaque instant avec de vifs éloges. « C'est un saint, décidément !» dit en ricanant Madame Paloc à Monsieur de Condamin, qui était allé s'asseoir près d'elle. Puis, se penchant, « Je n'ai pas pu parler librement devant la mère. On cause beaucoup trop de l'abbé Faujas et de Madame Mouret. Ces vilains bruits ont dû arriver aux oreilles de Monseigneur. » Monsieur de Condamin se contenta de répondre « Madame Mouret est une femme charmante, très désirable encore, malgré ses 40 ans. « Oh, charmante, charmante !» murmura Madame Paloc, dont un flot de bile verdit la face. « Tout à fait charmante !» insista le conservateur des eaux et forêts. « Elle est à l'âge des grandes passions et des grands bonheurs. Vous vous jugez très mal entre femmes. » Et il quitta le salon, heureux de la rage contenue de Madame Paloc. La ville, en effet, s'occupait passionnément de la lutte continue que l'abbé Faujas soutenait contre l'abbé Fenil pour conquérir sur lui Monseigneur Rousselot. C'était un combat de chaque heure, un assaut de servantes maîtresses se disputant les tendresses d'un vieillard. L'évêque souriait finement. Il avait trouvé une sorte d'équilibre entre ces deux volontés contraires. Il les battait l'un par l'autre, s'amusait de les voir à terre tour à tour, quitte à toujours accepter les soins du plus fort pour avoir la paix. Quant aux médisances qu'on lui rapportait sur ses favoris, elle le laissait plein d'indulgence. Il les savait capables de s'accuser mutuellement d'assassinat. « Vois-tu, mon enfant, disait-il à l'abbé Surin dans ses heures de confidence, ils sont pires tous les deux. Je crois que Paris l'emportera et que Rome sera battue. Mais je n'en suis pas assez sûr. Je les laisse se détruire en attendant. Quand l'un aura achevé l'autre, nous le saurons bien. Tiens, lis-moi la troisième ode d'Horace. Il y a là un vers que je crains d'avoir mal traduit. » Le mardi, qui suivit la procession générale, le temps était superbe. Des rires venaient du jardin des Rastoiles et du jardin de la sous-préfecture. Il y avait là, des deux côtés, nombreuses sociétés sous les arbres. Dans le jardin des Mourets, l'abbé Faujas, à son habitude, lisait son bréviaire en se promenant doucement le long des grands buis. Depuis quelques jours, il tenait la porte de l'impasse fermée. Il coquetait avec les voisins, semblait se cacher pour qu'on le désirât. Peut-être avait-il remarqué un léger refroidissement à la suite de sa dernière brouille avec Monseigneur et des histoires abominables que ses ennemis faisaient courir. Vers 5 heures, comme le soleil baissait, l'abbé Surin proposa aux demoiselles Rastoiles une partie de volant. Il était de première force. Malgré l'approche de la trentaine, Angéline et Aurélie adoraient les petits jeux. Leur mère leur aurait encore fait porter des robes courtes si elle avait osé. Quand la bonne eut apporté les raquettes, l'abbé Surin, qui cherchait des yeux une place dans le jardin, tout ensoleillé par les derniers rayons, eut une idée que ces demoiselles approuvèrent vivement. « Si nous allions nous mettre dans l'impasse des chevillottes, dit-il, nous serions à l'ombre des marronniers, puis nous aurions bien plus de recul. » Ils sortirent, et la partie la plus agréable du monde s'engagea. Les deux demoiselles commencèrent. Ce fut Angéline qui manqua la première le volant. L'abbé Surin l'ayant remplacé, tint la raquette avec une adresse et une ampleur vraiment magistrales. Il avait ramené sa soutane entre ses jambes. Il bondissait en avant, en arrière, sur les côtés, ramassait le volant au ras du sol, le saisissait d'un revers à des hauteurs surprenantes, le lançait roide comme une balle ou lui faisait décrire des courbes élégantes, calculées avec une science parfaite. D'ordinaire, il préférait les mauvais joueurs qui, en jetant le volant au hasard, sans aucun rythme, selon son expression, l'obligeaient à déployer toute la souplesse de son jeu. Mademoiselle Aurélie était d'une jolie force. Elle poussait un petit cri d'hirondelle à chaque coup de raquette, riant comme une folle quand le volant s'en allait droit sur le nez du jeune abbé. Puis, elle se ramassait dans ses jupes pour l'attendre ou reculait par petits sauts, avec un bruit terrible d'étoffe froissée, lorsqu'il lui faisait la niche de taper plus fort. Enfin, le volant étant venu se planter dans ses cheveux, elle faillit tomber à la renverse, ce qui les égaya beaucoup tous les trois. Angéline prit la place. Dans le jardin des Mourets, chaque fois que l'abbé Faujas levait les yeux de son bréviaire, il apercevait le vol blanc du volant au-dessus de la muraille, pareil à un gros papillon. « Monsieur le curé, êtes-vous là ? » cria Angéline en venant frapper à la petite porte. « Notre volant est entré chez vous !» L'abbé, ayant ramassé le volant tombé à ses pieds, se décida à ouvrir. Ah, merci, monsieur le curé, dit Aurélie, qui tenait déjà la raquette. Il n'y a qu'Angéline pour un coup pareil. L'autre jour, papa nous regardait. Elle lui a envoyé ça dans l'oreille, et si fort qu'il en est resté sourd jusqu'au lendemain. Les rires éclatèrent de nouveau. L'abbé Surin, rose comme une fille, s'essuyait délicatement le front à petites tapes avec un fin mouchoir. Il rejetait ses cheveux blonds derrière les oreilles, les yeux luisants, la taille souple, se servant de sa raquette comme d'un éventail. Dans le feu du plaisir, son rabat avait légèrement tourné. « Monsieur le curé, dit-il en se remettant en position, vous allez juger les coups. » L'abbé Faujas, son bréviaire sous le bras, souriant d'un air paternel, resta sur le seuil de la petite porte. Cependant, par la porte charretière de la sous-préfecture entr'ouverte, le prêtre avait dû apercevoir M. Pécœur des Saulets, assis devant la pièce d'eau, au milieu de ses familiers. Il ne tourna pourtant pas la tête. Il marquait les points, complimentait l'abbé Surin, consolait les demoiselles Rastoil. Dites donc, Pécœur, vint murmurer plaisamment M. de Condamin à l'oreille du sous-préfet. Vous avez tort de ne pas inviter ce petit abbé à vos soirées. Il est bien agréable avec les dames. Il doit valser à ravir. Mais M. Pécœur des Saulets, qui causait vivement avec M. Delangre, parut ne pas entendre. Il continua, s'adressant au maire. « Vraiment, mon cher ami, je ne sais où vous voyez en lui les belles choses dont vous me parlez. L'abbé Faujas est au contraire très compromettant. Son passé est fort louche. On colporte ici certaines choses. Je ne vois pas pourquoi je me mettrais aux genoux de ce curé-là, d'autant plus que le clergé de Plassans nous est hostile. D'abord, ça ne me servirait à rien. » Monsieur de Langres et Monsieur de Condamin, qui avaient échangé un regard, se contentèrent de hocher la tête, sans répondre. « Ah, rien du tout !» reprit le sous-préfet. « Vous n'avez pas besoin de faire les mystérieux. Tenez, j'ai écrit à Paris, moi. J'avais la tête cassée. Je voulais avoir le cœur net sur le Faujas, que vous semblez traiter en prince déguisé. Eh bien, savez-vous ce qu'on m'a répondu ? On m'a répondu qu'on ne le connaissait pas, qu'on n'avait rien à me dire, que je devais d'ailleurs éviter avec soin de me mêler des affaires du clergé. On est déjà assez mécontent à Paris depuis que cet imbécile de la Griffoule a passé. Je suis prudent, vous comprenez. » Le maire échangea un nouveau regard avec le conservateur des eaux et forêts. Il haussa même légèrement les épaules devant les moustaches correctes de M. Pécœur des Saulets. « Écoutez-moi bien, lui dit-il au bout d'un silence. Vous voulez être préfet, n'est-ce pas ? » Le sous-préfet sourit en se dandinant sur sa chaise. Alors, allez donner tout de suite une poignée de main à l'abbé Faujas, qui vous attend là-bas en regardant jouer au volant. Monsieur Pécœur des Saulets resta muet, très surpris, ne comprenant pas. Il leva les yeux sur Monsieur de Condamin, auquel il demanda avec une certaine inquiétude « Est-ce aussi votre avis ?»« Mais sans doute, allez lui donner une poignée de main !» répondit le conservateur des eaux et forêts. Puis il ajouta avec une pointe de moquerie « Interrogez ma femme, en qui vous avez toute confiance !» Madame de Condamin arrivait. Elle avait une délicieuse toilette rose et grise. Quand on lui eut parlé de l'abbé, « Ah, vous avez tort de manquer de religion, » dit-elle gracieusement au sous-préfet. « C'est à peine si l'on vous voit à l'église les jours de cérémonies officielles. Vraiment, cela me fait trop de chagrin. Il faut que je vous convertisse. Que voulez-vous qu'on pense du gouvernement que vous représentez si vous n'êtes pas bien avec le bon Dieu ? Laissez-nous, messieurs. Je vais confesser M. Pécœur. » Elle s'était assise, plaisantant, souriant. « Octavie, murmura le sous-préfet lorsqu'ils furent seuls. « Ne vous moquez pas de moi, vous n'étiez pas dévote à Paris, rue du Helder. Vous savez que je me tiens à quatre pour ne pas éclater quand je vous vois donner le pain béni à Saint-Saturnin. » « Vous n'êtes point sérieux, mon cher, » répondit-elle sur le même ton. « Cela vous jouera quelques mauvais tours. Réellement, vous m'inquiétez. Je vous ai connu plus intelligent. Êtes-vous assez aveugle pour ne pas voir que vous branlez dans le manche ? Comprenez donc que si l'on ne vous a point encore fait sauter, c'est qu'on ne veut pas donner l'éveil aux légitimistes de Plassans. Le jour où ils verront arriver un autre sous-préfet, ils se méfieront. Tandis qu'avec vous, ils s'endorment, ils se croient certains de la victoire aux prochaines élections. Ce n'est pas flatteur, je le sais, d'autant plus que j'ai la certitude absolue qu'on agit sans vous. Entendez-vous, mon cher ? Vous êtes perdu si vous ne devinez certaines choses. » Il la regardait avec une véritable épouvante. « Est-ce que le grand homme vous a écrit ? » demanda-t-il, faisant allusion à un personnage qu'il désignait ainsi entre eux. « Non, il a rompu entièrement avec moi. Je ne suis pas une sotte. J'ai compris la première, la nécessité de cette séparation. D'ailleurs, je n'ai pas à me plaindre. Il s'est montré très bon. Il m'a mariée, il m'a donné d'excellents conseils dont je me trouve bien. Mais j'ai gardé des amis à Paris. Je vous jure que vous n'avez que juste le temps de vous raccrocher aux branches. Ne faites plus le païen. Allez vite donner une poignée de main à l'abbé Faujas. Vous comprendrez plus tard si vous ne devinez pas aujourd'hui. » Monsieur Pecqueur des Solets restait le nez baissé, un peu honteux de la leçon. Il était très fin. Il montra ses dents blanches, chercha à se tirer du ridicule en murmurant tendrement « Si vous aviez voulu, Octavie, nous aurions gouverné Plassans à nous deux. Je vous avais offert de reprendre cette vie si douce. » « Décidément, vous êtes un sot, » interrompit-elle d'une voix fâchée. « Vous m'agacez avec votre Octavie. Je suis madame de Condamin pour tout le monde, mon cher. Vous ne comprenez donc rien. J'ai 30 000 francs de rente. Je règne sur toute une sous-préfecture. Je vais partout. Je suis partout respectée, saluée, aimée. Ceux qui soupçonneraient le passé n'auraient que plus d'amabilité pour moi. Qu'est-ce que je ferais de vous, mon Dieu ? Vous me gêneriez. Je suis une honnête femme, mon cher. » Elle s'était levée. Elle s'approcha du docteur Porquier, qui, selon son habitude, venait après ses visites passer une heure dans le jardin de la sous-préfecture pour entretenir sa belle clientèle. « Oh, docteur, j'ai une migraine, mais une migraine !» dit-elle avec des mines charmantes. « Ça me tient là, dans le sourcil gauche. » « C'est le côté du cœur, madame, » répondit galamment le docteur. Madame de Condamin sourit, sans pousser plus loin la consultation. Madame Paloc se pencha à l'oreille de son mari, qu'elle amenait chaque jour, afin de le recommander constamment à l'influence du sous-préfet. « Il ne les guérit pas autrement, » murmura-t-elle. Cependant, Monsieur Pecqueur des Solets, après avoir rejoint M. de Condamin et M. de Langres, manœuvrait habilement pour les conduire du côté de la porte Chartière. Quand il n'en fut plus qu'à quelques pas, il s'arrêta, comme intéressé par la partie de volant qui continuait dans l'impasse. L'abbé Surin, les cheveux au vent, les manches de la soutane retroussées, montrant ses poignets blancs et minces comme ceux d'une femme, venait de reculer la distance, en plaçant Mademoiselle Aurélie à 20 pas. Il se sentait regardé. Il se surpassait vraiment. Mademoiselle Aurélie était, elle aussi, dans un de ses bons jours, au contact d'un tel maître. Le volant, lancé du poignet, décrivait une courbe molle très allongée, et cela avec une telle régularité qu'il semblait tomber de lui-même sur les raquettes, voler de l'une à l'autre, du même vol souple, sans que les joueurs bougeassent de place. L'abbé Surin, la taille un peu renversée, développait les grâces de son buste. Très bien, très bien, cria le sous-préfet ravi. Ah, monsieur l'abbé, je vous fais mes compliments. Puis, se tournant vers madame de Condamin, le docteur Porquier et les Palocs. Venez donc, je n'ai jamais rien vu de pareil. Vous permettez que nous vous admirions, monsieur l'abbé. Toute la société de la sous-préfecture forma alors un groupe au fond de l'impasse. L'abbé Faujas n'avait pas bougé. Il répondit, par un léger signe de tête, au salut de monsieur de Langres et de monsieur de Condamin. Il marquait toujours les points. Quand Aurélie manqua le volant, il dit avec bonhomie « Cela vous fait 310 points depuis qu'on a changé la distance. Votre sœur n'en a que 47. » Tout en ayant l'air de suivre le volant avec un vif intérêt, il jetait de rapides coups d'œil sur la porte du jardin des Rastoiles, restée grande ouverte. Monsieur Maffre seul s'y était montré jusque-là. Il fut appelé de l'intérieur du jardin. Qu'ont-ils donc à rire si fort ? Lui demanda monsieur Rastoil, qui causait avec monsieur de Bourdeux devant la table rustique. C'est le secrétaire de monseigneur qui joue, répondit monsieur Maffre. Il fait des choses étonnantes, tout le quartier le regarde. Monsieur le curé, qui est là, en est émerveillé. Monsieur de Bourdeux prit une large prise en murmurant. Ah, monsieur l'abbé Faujas est là ? Il rencontra le regard de monsieur Rastoil. Tous deux semblèrent gênés. On m'a raconté, hasarda le président, que l'abbé est rentré en faveur auprès de monseigneur. Oui, ce matin même, dit monsieur Maffre. Oh, une réconciliation complète. J'ai eu des détails très touchants. Monseigneur a pleuré. Vraiment, l'abbé Fenil a eu quelques torts. « Je vous croyais l'ami du grand vicaire, » fit remarquer M. de Bourdeux. « Sans doute, mais je suis aussi l'ami de M. le curé, » répliqua vivement le juge de paix. « Dieu merci, il est d'une piété qui défie les calomnies. N'est-on pas allé jusqu'à attaquer sa moralité ? C'est une honte !» L'ancien préfet regarda de nouveau le président d'un air singulier. Et n'a-t-on pas cherché à compromettre monsieur le curé dans les affaires politiques ? Continua monsieur Maffre. On disait qu'il venait tout bouleverser ici, donner des places à droite et à gauche, faire triompher la clique de Paris. On n'aurait pas plus mal parlé d'un chef de brigand. Un tas de mensonges, enfin. Monsieur de Bourdeux, du bout de sa canne, dessinait un profil sur le sable de l'allée. « Oui, j'ai entendu parler de ces choses, » dit-il négligemment. « Il est bien peu croyable qu'un ministre de la religion accepte un tel rôle. D'ailleurs, pour l'honneur de Plassans, je veux croire qu'il échouerait complètement. Il n'y a ici personne à acheter. »« Des cancans !» s'écria le président en haussant les épaules. « Est-ce qu'on retourne une ville comme une vieille veste ? Paris peut nous envoyer tous ses mouchards. » Plassans restera légitimiste. Voyez le petit pécœur, nous n'en avons fait qu'une bouchée. Il faut que le monde soit bien bête. On s'imagine alors que des personnages mystérieux parcourent les provinces, offrant des places. Je vous avoue que je serais bien curieux de voir un de ces messieurs. Il se fâchait. Monsieur Maffre, inquiet, crut devoir se défendre. « Permettez, interrompit-il, je n'ai pas affirmé que M. l'abbé Faujas fût un agent bonapartiste. Au contraire, j'ai trouvé cette accusation absurde. »« Eh, il n'est plus question de l'abbé Faujas. Je parle en général. On ne se vend pas comme cela, que diable. L'abbé Faujas est au-dessus de tous les soupçons. » Il y eut un silence. Monsieur de Bourdeux achevait le profil, sur le sable, par une grande barbe en pointe. L'abbé Faujas n'a pas d'opinion politique, dit-il de sa voix sèche. Évidemment, reprit monsieur Rastoil, nous lui reprochions son indifférence. Mais aujourd'hui, je l'approuve. Avec tous ces bavardages, la religion se trouverait compromise. Vous le savez comme moi, Bourdeux. On ne peut l'accuser de la moindre démarche louche. Jamais on ne l'a vu à la sous-préfecture, n'est-ce pas? Il est resté très dignement à sa place. S'il était bonapartiste, il ne s'en cacherait pas, parbleu. Sans doute. Ajoutez qu'il mène une vie exemplaire. Ma femme et mon fils m'ont donné sur son compte des détails qui m'ont vivement ému. À ce moment, les rires redoublèrent dans l'impasse. La voix de l'abbé Faujas s'éleva, complimentant mademoiselle Aurélie sur un coup de raquette vraiment remarquable. Monsieur Rastoil, qui s'était interrompu, reprit avec un sourire. « Vous entendez? Qu'ont-il donc à s'amuser ainsi? Cela donne envie d'être jeune. » Puis, de sa voix grave, « Oui, ma femme et mon fils m'ont fait aimer l'abbé Faujas. Nous regrettons vivement que sa discrétion l'empêche d'être des nôtres. » Monsieur de Bourdeux approuvait de la tête lorsque des applaudissements s'élevèrent dans l'impasse. Il y eut un tohu-bohu de piétinements, de rires, de cris, toute une bouffée de gaieté d'écoliers en récréation. Monsieur Rastoil quitta son siège rustique. « Ma foi, dit-il avec bonhomie, allons voir, je finis par avoir des démangeaisons dans les jambes. » Les deux autres le suivirent. Tous trois restèrent devant la petite porte. C'était la première fois que le président et l'ancien préfet s'aventuraient jusque-là. Quand ils aperçurent, au fond de l'impasse, le groupe formé par la société de la sous-préfecture, ils prirent des mines graves. Monsieur Pequeur Dessaulet, de son côté, se redressa, se campa dans une attitude officielle, tandis que madame de Condamin, très rieuse, se glissait le long des murs en plissant l'impasse du frôlement de sa toilette rose. Les deux sociétés s'épiaient par des coups d'œil de côté, ne voulant céder la place ni l'une ni l'autre. Et, entre elles, l'abbé Faujas, toujours sur la porte des mourets, tenant son bréviaire sous le bras, s'égayait doucement, sans paraître le moins du monde comprendre la délicatesse de la situation. Cependant, tous les assistants retenaient leur haleine. L'abbé Surin, voyant grossir son public, voulut enlever les applaudissements par un dernier tour d'adresse. Il s'ingénia, se proposa des difficultés, se tournant, jouant sans regarder venir le volant, le devinant en quelque sorte, le renvoyant à mademoiselle Aurélie par-dessus sa tête, avec une précision mathématique. Il était très rouge, suant, décoiffé. Son rabat, qui avait complètement tourné, lui pendait maintenant sur l'épaule droite. Mais il restait vainqueur, l'air riant, charmant toujours. Les deux sociétés s'oubliaient à l'admirer. Madame de Condamin réprimait les bravos qui éclataient trop tôt, en agitant son mouchoir de dentelle. Alors, le jeune abbé, raffinant encore, se mit à faire de petits sauts sur lui-même, à droite, à gauche, les calculant de façon à recevoir chaque fois le volant dans une nouvelle position. C'était le grand exercice final. Il accélérait le mouvement lorsque, en sautant, le pied lui manqua. Il faillit tomber sur la poitrine de madame de Condamin, qui avait tendu les bras en poussant un cri. Les assistants, le croyant blessé, se précipitèrent. Mais lui, chancelant, se rattrapant à terre sur les genoux et sur les mains, se releva d'un bond suprême, ramassa, renvoya à mademoiselle Aurélie le volant qui n'avait pas encore touché le sol. Et la raquette haute, il triompha. « Bravo ! Bravo ! » cria monsieur Pequeur Dessaulet en s'approchant. « Bravo ! Le coup est superbe ! » répéta monsieur Rastoil, qui s'avança également. La partie fut interrompue. Les deux sociétés avaient envahi l'impasse. Elles se mêlaient, entouraient l'abbé Surin, qui, hors d'haleine, s'appuyait au mur, à côté de l'abbé Faujas. tout le monde parlait à la fois. « J'ai cru qu'il avait la tête cassée en deux !» disait le docteur Porquier à M. Maffre d'une voix pleine d'émotion. « Vraiment, tous ces jeux finissent mal !» murmura M. de Bourdeux en s'adressant à M. de Langres et au Paloc, tout en acceptant une poignée de main de M. de Condamin, qu'il évitait dans les rues pour ne pas avoir à le saluer. Madame de Condamin allait du sous-préfet au président, les mettait en face l'un de l'autre, répétait « Mon Dieu, je suis plus malade que lui. J'ai cru que nous allions tomber tous les deux. Vous avez vu, c'est une grosse pierre. Elle est là, tenez, dit Monsieur Rastoil. Il a dû la rencontrer sous son talon. C'est cette pierre ronde, vous croyez ? Demanda Monsieur Pequeur des Soleils en ramassant le caillou. Jamais ils ne s'étaient parlé en dehors des cérémonies officielles. Tous deux se mirent à examiner la pierre. Ils se la passaient, se faisaient remarquer qu'elle était tranchante et qu'elle aurait pu couper le soulier de l'abbé. Madame de Condamin, entre eux, leur souriait, leur assurait qu'elle commençait à se remettre. « Monsieur l'abbé se trouve mal !» s'écrièrent les demoiselles Rastoil. L'abbé Surin, en effet, était devenu très pâle en entendant parler du danger qu'il avait couru. Il fléchissait lorsque l'abbé Faujas, qui s'était tenu à l'écart, le prit entre ses bras puissants et le porta dans le jardin des Mourets où il l'assit sur une chaise. Les deux sociétés envahirent la tonnelle. Là, le jeune abbé s'évanouit complètement. « Rose, de l'eau, du vinaigre !» cria l'abbé Faujas en s'élançant vers le perron. Mouret, qui était dans la salle à manger, parut à la fenêtre. Mais, en voyant tout ce monde au fond de son jardin, il recula comme pris de peur. Il se cacha, ne se montra plus. Cependant, Rose arrivait avec toute une pharmacie. Elle se hâtait, elle grognait. « Si madame était là, au moins, elle est au séminaire pour le petit. Je suis toute seule, je ne peux pas faire l'impossible, n'est-ce pas ? Allez, ce n'est pas monsieur qui bougerait. On pourrait mourir avec lui. Il est dans la salle à manger, à se cacher comme un sournois. Non, un verre d'eau, il ne vous le donnerait pas. Il vous laisserait crever. » Tout en mâchant ces paroles, elle était arrivée devant l'abbé Surin, évanouie. « Oh, le Jésus !» dit-elle avec une tendresse à pitoyer de commère. L'abbé Surin, les yeux fermés, la face pâle entre ses longs cheveux blonds, ressemblait à un de ces martyrs aimables qui se pâment sur les images de sainteté. L'aînée des demoiselles Rastoil lui soutenait la tête, renversée mollement, découvrant le cou blanc et délicat. On s'empressa. Madame de Condamin, à léger coup, lui tamponna les tempes avec un linge trempé dans de l'eau vinaigrée. Les deux sociétés attendaient, anxieuses. Enfin, il ouvrit les yeux, mais il les referma. Il s'évanouit encore deux fois. « Vous m'avez fait une belle peur !» lui dit poliment le docteur Porquier, qui avait gardé sa main dans la sienne. L'abbé restait assis, confus, remerciant, assurant que ce n'était rien. Puis, il vit qu'on lui avait déboutonné sa soutane et qu'il avait le cou nu. Il sourit, il remit son rabat. Et, comme on lui conseillait de se tenir tranquille, il voulut montrer qu'il était solide. Il retourna dans l'impasse avec les demoiselles Rastoil pour finir la partie. « Vous êtes très bien ici, » dit M. Rastoil à l'abbé Faujas qu'il n'avait pas quitté. « L'air est excellent sur cette côte, » ajouta M. Pequeur des Soleils de son air charmant. Les deux sociétés regardaient curieusement la maison des Mourets. « Si ces dames et ces messieurs, » dit Rose, « veulent rester un instant dans le jardin, monsieur le curé est chez lui. Attendez, je vais aller chercher des chaises. » Et elle fit trois voyages, malgré les protestations. Alors, après s'être regardées un instant, les deux sociétés s'assirent par politesse. Le sous-préfet s'était mis à la droite de l'abbé Faujas, tandis que le président se plaçait à sa gauche. La conversation fut très amicale. « Vous n'êtes pas un voisin tapageur, monsieur le curé !» répétait gracieusement monsieur Pecker Désolé. « Vous ne sauriez croire le plaisir que j'ai à vous apercevoir tous les jours aux mêmes heures dans ce petit paradis. Cela me repose de mes tracas. » « Un bon voisin, c'est chose si rare !» reprenait monsieur Rastoil. « Sans doute !» interrompait monsieur de Bourdeux. « Monsieur le curé a mis ici une heureuse tranquillité de cloître. » Pendant que l'abbé Faujas souriait et saluait, monsieur de Condamin, qui ne s'était pas assis, vint se pencher à l'oreille de monsieur de Langres en murmurant. « Voilà Rastoil qui rêve une place de substitut pour son Flandrin de fils !» Monsieur de Langres lui lança un regard terrible, tremblant à l'idée que ce bavard incorrigible pouvait tout gâter, ce qui n'empêcha pas le conservateur des eaux et forêts d'ajouter « Et Bourdeux qui croit déjà avoir rattrapé sa préfecture ?» Mais madame de Condamin venait de produire une sensation en disant d'un air fin « Ce que j'aime dans ce jardin, c'est ce charme intime qui semble en faire un petit coin fermé à toutes les misères de ce monde. Caïn et Abel s'y seraient réconciliés. » Et elle avait souligné sa phrase en l'accompagnant de deux coups d'œil, à droite et à gauche, vers les jardins voisins. Monsieur Maffre et le docteur Porquier hochèrent la tête d'un air d'approbation, tandis que les Palocs s'interrogeaient, inquiets, ne comprenant pas, craignant de se compromettre d'un côté ou d'un autre s'ils ouvraient la bouche. Au bout d'un quart d'heure, monsieur Rastoil se leva. « Ma femme ne va plus savoir où nous sommes passés, » murmura-t-il. Tout le monde s'était mis debout, un peu embarrassé, pour prendre congé. Mais l'abbé Faujas tendit les mains. « Mon paradis reste ouvert, » dit-il de son air le plus souriant. Alors, le président promit de rendre, de temps à autre, une visite à monsieur le curé. Le sous-préfet s'engagea de même, avec plus d'effusion. Et les deux sociétés restèrent encore là, 5 grandes minutes à se complimenter. Pendant que, dans l'impasse, les rires des demoiselles Rastoil et de l'abbé Surin s'élevaient de nouveau. La partie avait repris tout son feu. Le volant allait et venait d'un vol régulier au-dessus de la muraille.